Bonjour, ici Valérie Levé, vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de partir en exploration scientifique avec Futur Simple. Exploration, mais j'aurais pu dire aussi mission scientifique, car c'est bien de cela qu'il sera question en deuxième partie. Si vous vous souvenez, cet automne, Daniel Filion a présenté son départ de mission en Antarctique. Il est maintenant revenu et il sera avec nous à 18h30 pour nous raconter comment s'est passée sa mission en Antarctique. Et pour tout de suite, eh bien, on va rester chez nous dans notre hiver québécois. On est bien au chaud dans nos maisons. Quand on sort, on met un gros manteau, la tuque et les gants. Mais je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois les petits oiseaux habillés à peu près comme en été, avec juste quelques plumes sur le dos, je me demande comment ils font pour ne pas avoir froid. Alors, on va s'intéresser à l'un de ces petits oiseaux qui passent l'hiver avec nous. Il s'agit de la mésange. Et vous allez voir qu'en hiver, ces mésanges ont toute une vie sociale. Pour nous en parler, je reçois André Desrochers. Il est professeur en écologie animale à l'Université Laval. Bonjour André. Bonjour. Alors en fait, André, j'ai dit que les mésanges ne changeaient pas de vêtements en hiver, en été. Peut-être qu'elles ont un peu plus de plumes quand même? Oui, j'imagine. Ben, elles muent à l'automne et au printemps. Là, les muent chez les oiseaux, c'est assez varié d'une espèce à l'autre. Mais les mésanges se refont un plumage au complet à l'automne. Mais il n'est pas très, très dense comparativement à celui de l'été, effectivement. Là. Ça nous paraît vraiment frêle, hein, ces petits oiseaux. Quand on les regarde, moi, chaque fois, je me dis, mais comment ils font pour pas avoir froid? Puis comment ça se fait qu'ils supportent des températures de moins de plus 30 ou de moins 30, comme ça, simplement vêtus de quelques plumes? Alors, André, la dernière fois que vous êtes venu à Futur Simple, c'était en décembre, juste avant le recensement des oiseaux de Noël. Donc, j'imagine que les ornithologues qui ont participé à ce recensement ont justement vu des mésanges. Oui, puis cette année, la mésange à tête noire a eu la palme de l'oiseau le plus nombreux au recensement. On a eu au-dessus de 2700 mésanges. Il y en a probablement beaucoup plus parce qu'on a déjà juste une poignée d'observateurs. On a une centaine quand même, mais n'empêche qu'une centaine d'observateurs sur le territoire de toute la ville de Québec. Ouais. C'est très dispersé, là. Alors, c'est des milliers de mésanges, sans doute, qu'on a à Québec. En tout cas, bref, on en a compté quand même au-dessus de 2700, puis on était content de ça. La mésange a la palme de l'oiseau le plus commun de temps en temps au recensement, mais des fois, c'est d'autres espèces. Ça a déjà été les jaseurs boréaux, les pigeons, etc. Puis en fait, quand on voit les mésanges, c'est rare qu'on voit juste une seule mésange. Moi, je les regarde qui viennent manger à la mangeoire chez nous. Et généralement, elles viennent par deux ou trois. Et je me demande si c'est un couple, si c'est un couple et ses petits, si c'est la même famille ou si c'est des individus isolés. Ben, il y a un peu de tout ça sûrement, mais quand on en voit deux, c'est généralement un couple. Je parierais une bonne somme en général quand il y a deux mésanges, même en plein hiver. Bon, même si c'est pas en saison de reproduction, les couples vont rester ensemble s'il n'y a pas de décès, bien sûr, puis à l'année longue. Par contre, on voit aussi des groupes plus nombreux des fois, et les gens se demandent est-ce que ce sont des groupes familiaux. Si on voit six mésanges, par exemple, à notre mangeoire là, en même temps, au mois de janvier, non. La réponse, on la connaît bien, c'est non. C'est généralement des oiseaux sans lien biologique qui sont ensemble. Les couples, par contre, de l'année précédente, de l'été précédent, qui étaient dans les environs, vont souvent s'agglomérer à l'hiver pour faire ces troupes de mésangeux de six oiseaux, des fois huit, des fois plus. Puis c'est souvent donc la juxtaposition, si on veut, de deux ou trois ou quatre couples de mésanges. D'accord, ça veut dire que les petits qu'ils ont eus, ils les évacuent, ils disent non, allez vivre votre vie ailleurs. Voilà, ils sortent du nid puis ils sont sevrés, entre guillemets. D'ailleurs, on peut voir des agressions des parents envers leurs petits là, à la fin de l'été, un peu comme chez des mammifères et plein d'autres espèces aussi. Ce fameux sevrage-là de « OK, laisse-moi tranquille maintenant ». Donc, il y a un gros remue-ménage qui se fait chez les mésanges à la fin de l'été, au mois d'août en particulier, mais durant tout l'automne, le début de l'automne du moins, les mésanges juvéniles, celles qui sont nées il y a quelques mois, vont partir à l'aventure et vont essayer de se magasiner donc un endroit où passer l'hiver. C'est par conséquent donc un beau mélange d'oiseaux non reliés qui se retrouvent à un endroit précis durant l'hiver. Excepté les couples, encore une fois, qui, eux, une fois qu'ils se sont établis quelque part, vont généralement terminer leur vie à cet endroit-là. OK, donc il y a les groupes de couples et puis il y a les groupes d'oiseaux Voilà, solitaires c'est de... ça. Ah oui? Ben, en fait, non, ils se mettent tous ensemble. Alors, par exemple, on va parler de Charles et Charlotte qui Ouais. sont installés dans un territoire. Charles et Charlotte, bon, l'automne arrive, les petits sont partis. Ils ont souvent des portées ou des couvées de 8 petits, hein, c'est quand même un oiseau fécond. Les petits s'en vont, mais évidemment, il y a des petits de l'extérieur qui arrivent dans le secteur, là. Ah. Et les petits de l'extérieur, ils se magasinent, comme je disais, un endroit pour l'hiver. Et Charles et Charlotte vont être tout à fait corrects, contents d'accueillir avec eux d'autres petits, parce que l'union fait la force un peu durant l'hiver. Il y a des raisons pourquoi les mésanges et d'autres oiseaux comme ça se mettent en groupe. Entre autres, c'est une stratégie contre les prédateurs. S'il y a plus d'yeux pour chercher autour pendant que tu t'alimentes, tu t'affaires sur une graine quelque part dans un arbre, mais tu sais qu'il y a des compagnons autour qui vont... Qui font la Une vigie. vie. Voilà, exactement, comme les oies, hein, qui ont la tête levée pendant que les autres mangent. Alors, le même phénomène à plus petite échelle. Donc, il y a un intérêt d'être en groupe. Alors, les parents de l'été ou les seniors, si on veut, vont accueillir les juniors. Et là, il y a tout un combat il y a tout un jeu qui se fait à partir des juniors. Parce que les juniors, si les parents, si les seniors, c'est-à-dire survivent à l'hiver, ça laisse pas grand possibilité pour les juniors parce que les seniors vont reprendre leur territoire de l'année précédente. Et si tous les seniors sont encore en vie, ben ça laisse pas grand place pour les juniors parce que la population elle augmente pas à chaque année. Là, les territoires, il y a une crise du logement là si on veut là pour être dans l'actualité qui se produit là. Puis alors les juniors vont compter sur le décès hein, Ah ouais. de certains seniors pour s'installer. Mais est-ce Alors que les juniors peuvent s'asseoir, parce que dans les juniors, il doit y avoir des mâles et des femelles, est-ce qu'il y a des voilà. couples qui se forment dans les juniors? Oui, et on a le sentiment, c'est pas clair, c'est difficile à démontrer, mais on a le sentiment que les juniors se forment en couple déjà à l'automne. Donc, et ça peut être un attrait. Alors, j'arrive, moi, dans un secteur qui est à des dizaines de kilomètres de mon lieu de naissance. Bon, il y a le Charles et Charlotte qui sont là, mais il y a aussi, un mâle ou une femelle, donc un oiseau du sexe opposé qui semble être célibataire, je m'installe là, bon, puis je vais former. Et il semble aussi que plus les couples sont formés tôt, plus ils sont hauts dans la hiérarchie sociale. Tôt Dans dans l'automne. l'automne, OK, Oui. Et d'accord. là, ben, il y a l'équipe A, puis il y a l'équipe B. Hein. OK. L'équipe A, c'est les seniors, Ouais. puis il y a l'équipe B, c'est tous les juniors. Et Ouais. là, c'est là que se livre le combat, parce que si t'es un alpha, si on veut, parmi les juniors, ben, tu risques d'être le premier ou la première à occuper le poste vacant s'il y a un décès parmi les seniors. D'accord, donc là on a d'autres notre groupe avec bon les alphes, le couple alpha, puis d'autres Ouais. peut-être qui vont être les bêta ou etc. Mais Voilà. s'il y a donc ce qui se passe des fois, bon ils se mettent ensemble, je comprends qu'ils se mettent ensemble pour avoir plus de chances de survivre parce qu'il va y avoir les surveillants etc. Mais il peut quand même y avoir des décès. Il y en a qui vont quand même ne pas survivre à l'hiver parce que quoi? Parce qu'ils vont se faire manger, parce Ouais. qu'ils vont finalement ils vont mourir de froid ou Ouais. de faim. Ben, je dirais que la prédation est probablement le facteur de mortalité dominant, mais il peut y avoir d'autres épisodes comme tu te souviens de la crise du verglas, quand tous les arbres sont couverts de quelques centimètres de glace, pour un oiseau qui glane les tiges des arbres comme les mésanges, là, ça peut être mortel. Puis ils n'ont pas le loisir de pouvoir, comment dire, jeûner pendant 3 jours là, durant l'hiver, là. Comme tu disais, le froid est mordant. Donc, mais la prédation est vraiment le nerf de la guerre durant l'hiver, là. Puis ça va tuer les mésanges. Moi, j'ai fait ma maîtrise sur ces oiseaux-là en Alberta. Dans une forêt au nord d'Edmonton, puis les conditions étaient très rigoureuses. Mais il y avait une mortalité, à peu près une mésange sur 5 ou une mésange sur 4 mourait à l'hiver. Ah, Donc la survie était quand même assez bonne, mais n'empêche, il y avait des chances quand même intéressantes pour les recrues là, d'avoir des postes vacants, si on veut. Là. Des postes vacants. Donc, effectivement, il peut arriver qu'il y ait un décès dans le groupe. Et à ce moment-là, qui va prendre la place? Est-ce que c'est quelqu'un qui va monter en hiérarchie dans le groupe ou est-ce que c'est un oiseau extérieur au groupe qui va rentrer? Alors, bonne question. Et c'est assez prévisible. Alors, juste pour faire un petit résumé, imaginons qu'on a 6 oiseaux. Là. On va avoir 3 mâles et 3 femelles en général. Donc, 3 couples. Mettons que le couple de Charles et Charlotte, ça, c'est le couple alpha. Et une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'à parier au mâle alpha, c'est la femelle alpha. C'est une hiérarchie de couple. Ouais. Le couple alpha, le couple bêta, etc. Alors, imaginons que mâle alpha meurt. Alors, soudainement, la femelle alpha, elle est sans conjoint. Généralement, ce qu'on observe, c'est le mâle bêta va se séparer, va divorcer de la femelle bêta pour avoir maintenant un nouveau couple avec la femelle alpha et devenir du coup le mâle alpha. Et là, il y a un effet domino, là, tu comprends? Ouais, parce que la femelle bêta, elle est veuve, là, soudainement. Là, pas veuve, mais en tout cas, les célibataires, le mâle gamma, le troisième, lui, il va s'accoupler avec. Et donc, il y a une espèce... Et ça se voit sur le terrain. Moi, je pouvais partir un matin en raquette en forêt et puis... Je sentais que dans le secteur où il y avait une troupe de mésanges X, il y avait beaucoup d'action, beaucoup de violence et d'agression entre les oiseaux. Et la plupart du temps, je remarquais qu'il manquait un oiseau. Il y avait un oiseau qui manquait à l'appel, une mortalité. Et probablement que toute cette agression-là, c'était le reflet, dans le fond, des nouveaux couples qui se formaient. Là. C'est ça, exactement. Mais donc, pour être capable d'observer ça, ça veut dire que les oiseaux sont bagués? Et oui. Qu'on est capable de distinguer qui est mâle, qui est femelle. Oui, et bien, comme on disait tout à l'heure, avant l'épisode, moi, j'ai eu une épiphanie quand je me suis mis à baguer des oiseaux individuellement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que j'utilisais des bagues en plastique de couleurs différentes. Et je m'arrangeais pour qu'il n'y ait pas deux oiseaux avec la même combinaison de couleurs. Et ils ont deux pattes. Donc, je pouvais mettre deux bagues sur chacune des pattes. Alors, vous ferez le calcul, j'avais une dizaine de couleurs. Donc, une dizaine de couleurs possibles en haut, à patte de gauche, en bas, à patte de gauche, une autre dizaine de couleurs. Ça fait, un millier de couleurs possibles, à peu près, de combinaisons. Et du coup, je pouvais avoir un millier d'oiseaux différents là, avec des combinaisons de couleurs uniques. C'est comme ça que j'ai... Mon épiphanie, c'était que, soudainement, je voyais ces oiseaux-là comme des individus. Ah, ça! Et non pas comme des clones d'une espèce, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une mésange qu'une autre mésange, bien sûr. Mais quand ils ont les couleurs sur les pattes, alors là, soudainement, on voit Charles, puis on voit Charlotte et tout ça. On s'invite dans la vie privée de ces oiseaux-là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, vous parliez de comportement violent. Ça veut dire quoi chez les oiseaux? Ça veut dire qu'ils se donnaient des coups de bec? Ils s'agrippent aux pattes. Ils peuvent même tomber à terre. J'en ai vu qui s'agrippaient en plein vol, puis qu'ils se battaient en même temps qu'ils tombaient au sol. Ou juste des oiseaux qui se pourchassaient, etc. Beaucoup de vocalisations aussi. Mais c'est quand même intéressant parce que d'un autre côté, c'est une perte d'énergie, toutes ces bagarres. Donc en hiver, alors qu'on devrait garder son énergie, c'est un peu contradictoire. Oui, c'est effectivement. Puis ces genres de comportements-là, on les voit plus par temps doux. C'est sûr, quand il fait moins 30, où j'étais, il faisait souvent moins 30 dans cette température-là. Et là, je parle pas des facteurs 20, ces trucs-là. Là, je parle du moins 30 sur le thermomètre. Ouais. Les oiseaux étaient plutôt tranquilles. Ils ne perdaient pas trop de temps à chamailler. Donc, il y a tout ça là qui rentre en ligne de compte. L'espèce d'optimisation entre le froid puis le statut social, etc. Et donc, on parlait aussi des oiseaux. Là, on dit s'il y a l'alpha qui décède, c'est un autre du groupe qui y a une montée en hiérarchie. Mais est-ce qu'il peut quand même arriver des oiseaux extérieurs au groupe qui viennent prendre la place? Oui. En anglais, on les appelle les floaters, les itinérants ou les flottants. Sans, à défaut d'avoir un meilleur terme, il y a des mésanges « flottantes » entre guillemets qui semblent avoir une stratégie très différente. Alors, ces mésanges-là, plutôt que de s'associer à une troupe de mésanges, ils butinent, ils magasinent entre les troupes. À longueur d'hiver, ils vont passer d'une troupe à l'autre. Alors, par exemple, on va l'appeler bleu-jaune. La mésange bleu-jaune, je la vois avec la troupe numéro 12 le mardi. Mais le mercredi, je repars. Puis bleu-jaune est rendu avec la troupe numéro 25. Tous les autres ne sont pas bouchés, là, ils sont stables, mais bleu-jaune se promène. Elle est acceptée? Elle est comme un intrus dans le groupe? C'est dur à déterminer, là, parce qu'ils passent quand même le gros de leur temps à s'alimenter. Mais ce que certains chercheurs ont découvert, c'est que ces oiseaux-là, ils ont l'avantage, lorsqu'il se produit un décès, de pas avoir à s'encombrer avec les procédures de divorce, on va dire ça comme ça. Ils ont pas à divorcer, ils sont célibataires, ces oiseaux-là. Donc, si l'oiseau flottant, c'est un mâle, puis qu'il y a un mâle alpha qui vient de mourir, pendant que le mâle bêta s'obstine avec la femelle bêta sur le divorce, lui, il peut s'installer et tout de suite se marier, entre guillemets, Ah avec oui. la femelle alpha. Et donc, il passe de nobody à un kingpin, si on veut, en bon anglicisme, du jour au lendemain, littéralement, là. Alors ça, j'en ai vu Ah des oui. phénomènes comme ça, là, un oiseau qui était vraiment au fond complètement de la hiérarchie, soudainement devenait l'oiseau dominant. Et les bêtas disent rien. Non, ben non, parce que il semble qu'un oiseau qui s'accouple avec un oiseau dominant se fait conférer un statut automatiquement. Ah, d'accord. Mais donc ça veut dire que l'alpha qui accepte cet étranger finalement, sans le connaître, je pensais qu'il y avait peut-être une évaluation des compétences, Ben mais déjà là il n'y a d'être pas le temps là. il y a pas ben il y a possiblement que le calcul, écoute, là on est dans l'anthropomorphisme évidemment, mais peut-être que le calcul de l'alpha veuve ou veuf, c'est que bon, cet oiseau-là, il y a une bonne stratégie, là. Il s'est pointé, il y a de l'audace, etc. Puis manifestement, il est encore là, il est en vie, donc il y a quelque chose d'intéressant là, possiblement. Alors là, il y a tout ce qu'on appelle la théorie des jeux, hein. Parce que si tous les oiseaux se mettaient à faire cette stratégie-là, le système Ah bah ouais, parce s'effondrerait, qu'il n'y là. aurait plus de groupe et on profiterait plus de la protection de groupe à ce moment-là. Voilà. Donc, il y a un nombre optimum, puis ça a été calculé d'ailleurs. Il y a un nombre qui a été calculé qui était autour de 12%, je pense. Ou s'il y en a plus que 12%, c'est pas payant. D'oiseaux solitaires? Moins d'oiseaux solitaires, s'il y en a plus que ça devient moins payant d'être un oiseau solitaire. Donc, c'est le jeu de la. C'est un peu comme le jeu des fils à l'épicerie, là. Hein? Tu sais, les fils tendent à être égales, de longueur égale. C'est une expression de la théorie des jeux, ça encore. C'est qu'on arrive, puis on va aller pour la file la plus courte. Puis du coup, ce comportement-là fait que les fils ont toujours à peu près la même longueur. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Mais c'est ouais, sauf qu'on se dit c'est quand même un peu rigolo parce que bon, nous humains, on fait ce calcul-là intuitivement quand on Consciemment, ouais. arrive à l'épicerie, mais les oiseaux, ils font pas ce calcul-là. Non, ben, on n'est pas dans la tête de l'oiseau, on ne sait pas s'il le fait consciemment ou pas, mais il s'agit que l'oiseau ait une espèce d'impulsion. Hein. Un peu comme mon exemple favori de l'impulsion, c'est la faim. Hein. On a faim. Ce n'est pas quelque chose de conscient, mais notre corps nous dit mange. Puis des fois, on a un craving, comme on dit, de sucré. Alors, on peut imaginer peut-être que ces oiseaux-là fonctionnent avec entre guillemets, des cravings, là, des volontés un peu viscérales de faire quelque chose qui, observé de l'extérieur, ressemble à des comportements très rationnels et calculés. Ouais, mais je veux dire, les oiseaux, les mésanges se sont pas concertés pour dire, bon, bah là, il y a 12% Ah de non. solitaires, on n'en met pas plus, ou... Donc, c'est quelque chose, c'est un Non. équilibre, une sorte d'équilibre qui s'est établi naturellement, peut-être par la sélection naturelle, ou... Ben, par l'observation, mais c'est pour ça que je parlais des fils à l'épicerie. C'est un peu la même idée. Les Ah oiseaux ouais. voient. Ah, d'accord. Alors, j'arrive, moi, à l'automne, là, je m'installe quelque part, puis OK. je me rends compte qu'il n'y a aucun flottant ici. Alors, je me dis, tiens, je vais jouer ce petit jeu-là, moi, parce que je risque fort de gagner, parce que je n'ai pas de compétition, là. Ah, d'accord, ouais, Par c'est ça. contre. Ils observent, effectivement. Ils voient qu'il y a des groupes qui sont établis, qu'il n'y a pas de flottant. Ben, je Voilà. vais prendre le rôle du Ah flottant. ouais, mais si un oiseau sur deux est un flottant, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller jouer à ça parce que tu te dis, ben, les chances sont contre moi. Donc, C'est on vrai. s'imagine qu'il doit clairement y avoir une propension là, à regarder tout ça, là. Ces oiseaux-là, on pourrait parler pendant des heures de l'espionnage chez les oiseaux, puis de l'observation, mais littéralement même de l'espionnage, Ah là. ouais, est-ce qu'ils s'espionnent entre groupes? Bonne question. Probablement, dans une certaine mesure, les groupes des fois se fusionnent. Il y a fusion-fission là, de groupes de mésanges. Si vous avez une mangeoire en banlieue où il y a de la forêt pas loin, vous risquez des fois d'arriver à une situation où il y a normalement 4-5 mésanges. Puis soudainement, il y en a comme une douzaine. Là. Ça, c'est probablement deux groupes qui arrivent par hasard au poste d'alimentation. Et qu'est-ce qui se passe au printemps? Ce groupe-là va se dissocier? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Donc c'est là où le bas blesse, comme on dit, parce que la survie en hiver, même dans des contrées nordiques comme au nord d'Edmonton, quand même semble quand même assez bonne, à 80% et plus. Alors, tu sais, les mésanges aux États-Unis, bon, là on a eu un hiver assez difficile là, à date dans le Midwest, mais normalement, là, c'est plus clément quand même. Puis, il y a donc un surplus, hein, littéralement, d'oiseaux au printemps, là. S'il y a 8 oiseaux dans un endroit qui peut recevoir que 2 couples, ben, ça veut dire qu'il y en a 4 de trop, hein. Il y a 4 oiseaux de trop, puis ces oiseaux-là, seront éjectés, là, par les dominants. La dominance sociale nous détermine de manière presque automatique qui va hériter des territoires. Ça va être les alphas puis les bêtas. Les gammas, là, ils n'ont presque aucune chance. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au printemps, là, il y a une montée d'agression. Ça arrive au mois de mars, quand les mésanges se mettent à chanter, là, 2 petites notes, là, sifflées. Voilà. J'en ai entendu une hier, d'ailleurs. Elle est un petit peu précoce. Mais, donc, là, il y a une poussée d'agression. Et soudainement, comme on mentionnait tout à l'heure, moi, je travaillais avec des oiseaux baguets et je perds la moitié de mes oiseaux baguets au printemps. Il arrive un moment donné où je les perds de vue. Bleu-rouge, je le voyais tout l'hiver, puis bleu-rouge, il n'est plus là, là. Et ainsi de suite pour un paquet d'oiseaux. Puis tous ces oiseaux-là, presque sans exception, c'était des subordonnés. On pourrait revenir sur comment on détermine qu'ils sont subordonnés ou pas, mais c'était le cas. Et j'observais... En même temps que cette disparition-là de mes oiseaux locaux bagués, une apparition de paquets d'oiseaux non bagués. Donc, manifestement, des losers, entre guillemets, des perdants des autres endroits autour qui sont venus envahir mon aire d'étude. Et aucun de ces oiseaux-là réussissait à s'établir. Ces oiseaux-là disparaissaient au cours du mois d'avril et du mois de mai. Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que, pour l'essentiel, ces oiseaux-là meurent. C'est la saison probablement la plus mortelle pour les mésanges, le mois d'avril-mai. Ils meurent parce que finalement, ils perdent leur accès à la nourriture, parce que tous les sites d'accès sont pris par sont précieusement... gardé par les alphas. Oui, puis c'est dur à imaginer parce qu'on se dit, une mésange, c'est créatif, ça explore, c'est plein de ressources. Comment ça peut mourir de faim ou quoi que ce soit? Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont tout contre elles, ces mésanges-là, les subordonnés qui se font éjecter. Parce que là, elles arrivent. Bon, premièrement, il y a le coût de déplacement. Elles se déplacent, puis elles se font agresser partout où elles vont parce qu'elles ne sont pas bienvenues. Et donc, il doit y avoir un coût physiologique au déplacement. Il y a un coût aussi relié au fait qu'elles sont dans des endroits qu'elles ne connaissent pas. Donc, elles ne savent pas où il y a des prédateurs. Ouais. Elles ne savent pas où se trouve la nourriture. Puis en plus, elles se font agresser par tout le monde. Donc, si on combine toutes ces choses-là ensemble, c'est pas très étonnant d'imaginer que le taux de mortalité monte en flèche. Effectivement. Donc là, finalement, les alphas vont rester sur leur territoire dans lequel ils ont passé l'hiver. Les bêtas aussi, peut-être. Donc, eux vont avoir des petits, puis on recommence comme ça l'année d'après. On recommence le cycle, oui. Puis, pour les gens qui vont sur le terrain régulièrement, soyez à l'affût au printemps, au mois de mai en particulier. On voit souvent des grands agglomérats de mésanges, des troupes de mésanges. J'en ai déjà vu jusqu'à une cinquantaine ensemble, ce qu'on ne voit jamais le reste de l'année, ou presque pas. Et puis, qui semble vagabonder. J'ai déjà vu une troupe de mésanges comme ça au quai de Rivière-Ouelle, dans le Bas-Saint-Laurent, au bord du fleuve, là, dans un endroit qui n'a aucun rapport avec l'habitat de la mésange. Puis ces oiseaux-là se promenaient, semblaient vraiment être en désespoir de cause. Là. Et je parierais que c'était essentiellement des oiseaux jeunes de l'année précédente qui avaient perdu dans la joute là, de la hiérarchie sociale. Et donc là, ça, c'est ce comportement pour les mésanges. Puis ça doit être assez fascinant à observer, surtout qu'on est capable d'identifier, d'individualiser finalement les différentes mésanges. Mais est-ce que c'est des comportements qu'on retrouve chez d'autres oiseaux qui passent l'hiver ici? Pas à ce point-là. Les mésanges ont été pas mal étudiés parce que ces phénomènes de hiérarchie-là, on les connaît chez plusieurs espèces de mésanges. En Europe, d'abord, ici aussi. Mésanges de tête noire et surtout, mais les autres espèces de mésanges semblent faire pareil. Mais prenons les moineaux. Bon, les moineaux ont une autre dynamique complètement, mais c'est des oiseaux sociables quand même, qu'on voit souvent en attroupement. Mais il ne semble pas y avoir ce phénomène de hiérarchie comme le peck order qu'on dit en anglais pour les poules là, dans un poulailler. Ça semble quelque chose d'assez particulier aux mésanges. D'ailleurs, comment on mesure ça? Ben, on prend une mangeoire, hein, puis les gens qui, encore une fois, qui ont des mangeoires, vous pouvez le voir. Hein, des fois, vous voyez la mésange A attend que la mésange B quitte la mangeoire pour aller s'alimenter. Alors là, vous voyez tout de suite qui domine. où la mésange B arrive puis déloge complètement la mésange A, là, brutalement. Donc, moi, j'ai observé des milliers d'interactions comme ça, deux à deux, pour établir la hiérarchie. Mais les tourterelles, par exemple, font pas ça. Il y a un petit peu d'agression, mais c'est pas systématisé. Il n'y a pas de hiérarchie, à ce qu'on sache. Les gros becs, les jaseurs, les tarins, c'est des oiseaux grégaires, mais ils semblent être plus, les étourneaux, en agglomérat, un peu anarchique, si on veut. Là. Ils arrivent dans un sorbier, hein, puis c'est chacun pour soi. Ouais. Puis on s'imagine que le lendemain, ils ne sont pas avec les mêmes oiseaux, ils se sont dissociés, etc. Donc, les mésanges sont très particulières. Et donc, on observe ce même genre de phénomène avec les autres types de mésanges. Donc, nous ici, c'est la mésange à tête noire. Puis dans la forêt boréale, la tête brune, qui est presque inconnue de la science. J'ai un étudiant qui a fait une maîtrise sur la mésange à tête brune. Puis ses travaux étaient assez pionniers, je dirais, parce que c'est un oiseau qui est dans un milieu excessivement difficile, surtout l'hiver. Puis donc, très, très peu connu. Mais on s'imagine qu'ils ont la même dynamique. De ce qu'on a observé, là, ils semblaient avoir la même genre de dynamique que les mésanges à tête noire. Il y a les mésanges bicolores qui sont d'une autre gamme d'oiseaux là, qui ne sont pas les vrais, entre guillemets, mésanges. Pourtant, elles ressemblent quand même. Elles ont l'air, à part d'avoir une petite huppe, elles ont l'air quand même assez semblables. Oui, elles sont dans la même famille, mais ce n'est pas le même genre. Puis, il y a quelques espèces de mésanges en Europe là, qui ont des comportements similaires. Mais c'est ça, c'est des oiseaux qui sont grégaires, mais qui ont une structure stable dans le temps, durant l'hiver, ce qui est le cas de très peu d'espèces d'oiseaux. Eh ben, je pense que je vais regarder les mésanges différemment. Déjà que j'avais tendance à me fixer sur elles les matins en déjeunant, mais je pense que je vais les regarder différemment encore, voir si jamais je suis capable de distinguer qui est qui là-dedans, sans être capable de les baguer. Alors, merci beaucoup, André, de nous avoir fait rentrer comme ça dans la sociologie des mésanges. Merci, André. Ça me fait plaisir. Nous étions en compagnie d'André Desrochers, qui est professeur en écologie animale à l'Université Laval.